Quand ta langue claque le lingala, quand ta langue tangue, tangue le la, tu te retrouves comme hier, seul en manque de repères. Chante le lingala, danse le lingala, dans le vent, là. Que tu fasses enfin tomber les digues qui condamnaient tes ancêtres. Toi, enfant prodigue, renaître là.